Avui recordant el seu àlbum de debut, mira que n'havíem escoltat d'altres, d'àlbums seus, però aquest ens havia quedat pendent i avui a Olala Music doncs hem dit, vinga va, anem-hi directament cap al seu primer disc amb aquesta cançó i aquest ritme tan extraordinari. No m'estranya que aquesta cançó amb el seu moment va ser triada amb els Victòries de la Música, els Premis per Antonomàcia de la Música Francesa el 2011 com millor cançó original de l'any. L'autor Kerredine Soltani, autor d'aquesta cançó que acabem d'escoltar. El disc de la Isabel Joffrey, nascuda a Tours, a França, el 1 de maig de 1980, coneguda popularment sota els pseudònims As, habitualment també estilitzat amb majúscules, cantautora, compositora, intèrpret, variant amb el jazz, varietat francesa, la chanson, el folk, el soul, i coneguda internacionalment gràcies a aquest senzill que ha aconseguit vendre gairebé 4 milions de còpies de la seva música arreu del món. El segon senzill que va sortir d'aquest disc es deia Le Long de la Route, una cançó que va ser el segon senzill extreta del seu primer àlbum d'estudi. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. La peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la pape, parabara titi paparate, rabmovare, rabmovarope, rabmovarovere. Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con, qu'on peut être con à se cacher de soi-même. C'est con, c'est qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est con, c'est qu'on peut être con à se cacher de soi-même. C'est con, c'est qu'on peut être con. Fabulosa la seva música. Aquest era el segon senzill Along de la Ruta que estem escoltant a través del nostre programa. La tercera cançó que va sortir com a senzill va ser una cançó escrita per Rafael Arós i que es deia Le Fer, una cançó que va cantar la Zaz amb el seu àlbum i es va convertir en el tercer senzill d'aquest àlbum, un senzill que va sortir el febrer del 2011. Una cançó inspirada doncs, per aquest gran artista i que ens acompanyava també a través. En Rafael mateix també la va cantar amb aquesta cançó, la va portar amb el seu àlbum Pacífic en 2-3-1, que va sortir al mercat el setembre del 2010. Escoltem aquesta fantàstica cançó també. J'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures. À la fenêtre, comptant les heures. Lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas. Acabem aquest repàs del disc amb el darrer senzill que es va publicar el novembre del 2011 i a causa de l'èxit de les anteriors cançons encara en sortien més, com per exemple aquest tema que sentirem ara mateix, també del mateix compositor Rafael Arós, que ens arribava amb la composició d'aquest Oublié par la nuit, una cançó que la Zaz també va interpretar dins el seu àlbum. També va ser una cançó utilitzada a la banda sonora del film Dead Man Down, que va sortir el 2013 i que va ser una pel·lícula, un film amb Colin Farrell, Naomi Rapace i Terrence Howard. Escoltem aquest darrer tema d'aquest disc de debut de la fantàstica artista, al meu entendre, esclar, sempre hi ha opinions, que és la Zaz. Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle, affolé les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingle. Thank you. Així hem completat la primera part del nostre programa. Encara ens en queden d'àlbums de les ASA per escoltar, com per exemple aquell París del 2014 o Surlegut del 2015, que també va publicar. Ara serà, però, el moment de canviar i passar amb un altre protagonista de la música en francès. El seu nom és Lisandro, Lisandro Cuxi. L'escoltarem també i gaudirem de la seva música entre nosaltres amb un dels seus àlbums en els propers minuts. Preparem-nos per escoltar, doncs, a Lisandro Cuxi, aquest intèrpret que va néixer el 19 de juliol de 1999, a Sant Mujal, a Amadora, al districte de Lisboa, a Portugal, i que és d'ascendència capverdiana, tot i que va ser el guanyador de la sisena temporada de The Voice, la Plus Belle Voix, la veu més perfecta, més vella, diríem nosaltres, que hi ha hagut. Va arribar a França a través de cants, sense parlar ni un mot de francès. Ara l'escoltareu com canta. Sentirem les seves cançons a través de l'àlbum que ens portarà, publicat el 2017, el seu primer àlbum, amb un senzill, com aquest, que es diu Dansé, que és un dels més escoltats a la ràdio francesa. Je te connais à travers le regard de mes aînés. Je connais ton histoire, mais j'ai jamais, jamais, jamais marché sur ta plage. J'ai grandi sous le soleil de Zambouja les 10 midi. Mais j'avais les yeux vers un autre pays, petit pays et d'autres paysages, paysages. Oh, je te promets que je viendrai te rencontrer. À toi j'ai des ailes et des racines, c'est clean, je signe, je serai bientôt là. Oh, je te promets que je viendrai te rencontrer. Mon île adorée, je sais déjà qu'on va s'aimer. Je devrais rentrer, mais c'est sûr que je te quitterai. Mais c'est juré, je t'assure que toi et moi c'est gravé. Oui, c'est sûr que je reviendrai. Je te ferai danser. No n'hi falta amb aquest cantant d'ascendència, com he dit, capverdiana de Portugal, cantant en francès i triomfant amb aquestes latituds al nord de nosaltres, amb peces com aquest Dansé, de fet el senzill, l'únic senzill oficial que s'ha extret del seu àlbum de debut. Aquesta és una cançó que a mi m'encanta i que es diu Viure sense tu. Sourire et faire semblant de ne pas penser à toi. S'aimer encore plus fort, oublier que tu n'es pas là. Regarder les autres être heureux et se prendre dans les bras. Grandir sans armure, sans modèle et sans papa. Comme j'ai eu mal. Sans toi, oh, savais pas, pas. Avancer au moins pour elle qui n'a jamais fléchi. Essayer au moins pour celle qui m'a donné la vie. J'ai appris de chacune des erreurs que tu as laissées là. J'ai appris sans armure, sans exemple et sans papa. Comme j'ai eu mal. Ne valait rien. Moi, j'ai compté les années. Tout ce qui m'a éloigné de toi. Tout ce que j'ai ri. Tout ce que j'ai pleuré. Comme j'ai mal, comme j'ai eu mal, comme j'ai eu mal. Est-ce que t'as mal? No hi ha dubte que va titular molt bé l'àlbum en Lisandro Cuxí, o li van titular molt bé amb aquest La Bona Estrella, perquè l'ha obtingut amb les seves cançons i ho ha fet d'una manera excepcional. Han estat els dos temes, el primer el senzill, el segon el que he triat jo de l'àlbum, i aquest tercer, La meva bona estrella, és el títol del disc i també de la cançó que li dona nom. Roule, c'est maintenant ou jamais. Demain on sera déjà loin. Roule sans jamais t'arrêter. Reste et j'en connais la fin. Ensemble on trace un chemin. Ça va aller. pour toi maman. J'oublie pas tout ce que t'as fait pour moi. Et pour nous tout commencera là-bas. Ma bonne étoile, c'est pour nous ma bonne étoile. Doncs amb aquells Gypsy Jazz de les As i amb aquest soul, rhythm and blues, funk, pop, dieu-li com vulgueu, però també amb una mica de cançó francesa amb la seva varietat, allò que en diuen la varietat francesa, Varieté François, que en diuen així, més o menys, em penso. Doncs amb tot això hem fet un mix amb la primera part del nostre programa, un mix que el completarem amb aquesta cançó que és la cobra al disc del Lisandro Cuxi, que es diu Nu, i que ens porta també un ritme excepcional. Prova de que aquests artistes que fan aquestes barreges i que són d'ascendència d'un lloc, han nascut en un altre, després han cultivat la seva música en un altre, són espectaculars. Aquí ho hem vist amb el programa d'avui. Després, l'Àngel Rodríguez. Doncs com hem dit, a la meitat del nostre programa, no exacte, però gairebé, és el torn de l'Àngel Rodríguez, que ens portarà la seva recomanació per al programa d'aquesta setmana. Endavant, Àngel! Cristina, de Queens, i des del 2018, Chris, és el nom artístic pel que es coneix a la cantant Héloïse Letizia. Nascuda a Nantes l'any 1988. Els seus videoclips són molt autèntics, combina disseny, fotografia, ball, us els recomano. I en especial el videoclip d'aquesta peça musical extret de l'any 2018, que va tenir un gran èxit, que porta per nom Dame d'Isma. Amb vosaltres, Cristina and the Queens. Chris. fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elles rient de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. Tap tap t'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Viens, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Viens, dis-moi comment mieux. Toucher, toucher, yeah. Je suis allée noyer ma femme puisque c'est elle qui t'a plu. Pour Stella qui sucera mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cul-chute. T'es qui de la mode n'est pas défendu. Revenu au matin pleine de sueur, mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi? Que faire? Després de la col·laboració de l'Àngel Rodríguez amb aquesta cançó que ens acostava i que ens portava aquest Dame de Moi de Christine and the Queens amb Dame Funk, hem continuat amb el nostre programa i ho fem, de fet, amb una altra col·laboració que tenim també amb els nostres oients que ens demanen, que ens envien, que ens desitgen cançons o que ens les fan arribar. Tindrem també la presència aquí de gent fantàstica que ens acompanya, com per exemple la Norma, que avui ens recomana una cançó sobre el comunisme, una peça que ens condueix a escoltar a Jane Jagelman una vegada més entre nosaltres. I ho fa doncs, amb una cançó que es diu Rouge, que ens parla del color vermell, amb tot el que això significa. I a més, una cançó que volíem dedicar i que volem aprofitar per enviar també amb uns dels nostres oients, que han tingut a bé també de trucar-nos i de fer-nos parlar amb nosaltres, de parlar-nos una mica de la seva música, de què els agrada. I un dels comentaris és, per exemple, que Jack Jagelman, un dels seus artistes preferit per en Marcos Amadio i família. Doncs els enviem una abraçada i escoltem de dalt fins a baix aquest tema present a l'antologia de la música francesa de Jack Jagelman amb Carol Fredericks i Michael Jones. És el Rouge. Les bonheur plein nos maisons. C'est une nouvelle ère révolutionnaire. On aura du temps pour rire et s'aimer. Plus aucun enfant n'ira travailler. Y aura des écoles pour tout le monde, que des premières classes, plus de secondes. C'est la fin de l'histoire, le rouge après le noir. On aura nos dimanches, on ira voir la mer et nos frères de silence. Et la paix sur la terre. Mais si la guerre éclate sous nos filets trop belles, autant cramer pour l'âle, t'en représente ton âme. genial la seva música, Ginza Goldman, amb la col·laboració de la Norma i aquesta, doncs, apreciació que hem fet també amb un dels nostres oients, en Marcos Amadio, i entre ells, doncs, la seva família, per cert, que Olala Music té un número de telèfon, un número de WhatsApp, perquè pugueu contactar directament a nosaltres i dir-nos quina música us agrada més, quins artistes, quines cançons, quins estils, però a més perquè ens feu arribar també les vostres suggerències, els vostres àudios de veu, presentant o recomanant-nos cançons. Apunteu-lo, que és el que funciona. 644 40 83 24. El repetim, 644 40 83 24. Escoltem ara mateix la música des de l'àlbum Cocktail Lounge del 2012, que ens portarà una cantant fabulosa, al meu entendre, que es diu Nicole Martin. Tu sais, j'en ai tellement, puisqu'on repart toujours à zéro. Pas la peine de charger trop. Ce souvenir, je te le prends. Des souvenirs comme ça, j'en veux tout le temps. Si par erreur la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. Je rêve les yeux ouverts, ça me fait du bien, ça ne va pas plus loin. Je veux pas voir derrière puisque j'en reviens. Ressemble. Tous les deux, vous allez si bien ensemble. Je te le dirai jamais, jamais assez. Tout ce que tu me fais, me fait de l'effet. Martin ens acompanyava amb aquestes cançons que extraiem, com deien, d'aquest àlbum publicat el 2012, que Cocktail Lounge, la vam conèixer amb alguna de les seves cançons i ens va agradar tant, doncs, que van dir, escolta, aquestes cançons han de ser per nosaltres i per als nostres oients. Mireu quines meravelles que ens ha arribat a portar amb aquest disc. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours. jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à en mourir. Ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La la la la la la la la la. Aquest ritme tan intens que ens aplica amb les seves cançons i amb aquest Cocktail Lounge, ja veieu quin tipus de música és i com la trobem, d'acord? És més aproximat també amb el jazz i a les cançons més conegudes. També versionava amb aquest àlbum altres peces no en francès, com el Bésame Mucho, el What a Difference They Made, el Fly Me to the Moon, i també cançons que podem recordar extraordinàries, i ara en sentirem alguna més. Nicole Martin és una cantant nascuda a Donnacona, és una població de la província del Quebec al Canadà, pop francès, però també ja veieu altres estils, més bossa nova també, nascuda el 28 de setembre del 1949. L'estem escoltant a través del 2012 i amb aquest tema que sentíem, amb aquest àlbum que estem escoltant. Una Nicole Martin que la vaig conèixer a través d'una recopilació en la qual publicava una cançó preciosa que ja havíem escoltat amb el nostre programa i m'han dit, doncs mira, n'hem de sentir molt més i això és el que estem fent en el dia d'avui. Reconeixeu aquest clàssic? És la xica d'Ipanema, la noia d'Ipanema. Així ens ho cantava. Grande, mince, belle et douce, la fille d'Ipanema se pousse sur le rivage et toute la plage fait. Elle marche comme une algue portée sur l'aile d'une vague jusqu'au rivage et toute la plage fait. Ah. Oh, les garçons la regardent et leurs idées qui bavardent. S'attarde sur le corps de la fille aux yeux clairs, mais elle ne voit que la mer. Grande, corde mince, belle et douce, comme une voile. Dans sa course, il ne voit qu'elle, mais elle, elle ne voit que la mer. En repàs a la seva música, la companyia de Nicole Martin i aquestes extraordinàries cançons que ens obsequia ja amb la darrera peça del programa d'avui de Hola La Music. Ha estat tot un plaer. Salutacions de Rafael Corbí, ens retrobem ben aviat amb aquesta mateixa sintonia. Que sigueu molt i molt i molt feliços. Le cœur de la rose pour se respirer, la flamme pour brûler et les voiliers pour naviguer. Quoi qu'il arrive, on est fait pour s'aimer. On a beau se dire nos quatre vérités, se couvrir d'injures et de calamités, ça n'empêche pas qu'on est fait pour s'aimer. Comme Adam et Ève, comme Juliette, Roméo, nous sommes à nous deux, l'orchestre et le piano. Et si la symphonie a des accords qui sonnent faux, mon cœur désaccordé s'accorde avec le tien. Dès qu'on se met à jouer à quatre mains, tout comme l'oiseau pour s'envoler, on sera toujours avec des rires, avec des larmes, toujours fait pour m'aimer, fait pour t'aimer, fait pour s'aimer. Et puisque la rose est au bouquet, la voile au voilier et le feu à la flamme, toi et moi on est peut-être aussi fait pour s'aimer toute une vie.